Dernier bloc de l'émission, c'est bien sûr la musique de l'Ouest canadien, mais juste avant, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, Alberta. Il y a aussi CLS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien sûr, commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. On va y aller avec le bloc de l'Ouest avec la chanson Souvenir. C'est une chanson d'un groupe, d'un duo qui s'appelle Seaborn, dont une des auteurs, compositrices, interprètes, c'est Maryse Bernard, que j'avais rencontrée via Planète Barbare sur TFO il y a quelques années, en 1997, et elle m'avait envoyé une chanson de Seaborn qui s'appelait Hypnotise. Très bonne pièce, vous allez voir, un peu planant, mais vraiment intéressant, j'avais bien aimé. Eh bien là, j'ai eu la bonne nouvelle de voir que Maryse nous propose un nouvel extrait francophone, Muse, dont le vidéoclip officiel est disponible sur ma page Facebook de Canrock. Allez voir ça, CANROCK. Donc, Maryse et le vidéoclip Muse, très beau clip, vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça, bien sûr. Elle est maintenant, je pense, rendue dans la région de Montréal, mais elle est native de Vancouver. Donc, on va écouter ça avec grand plaisir. Voici un beau souvenir de son groupe Seaborn. Voici Hypnotise. Tu me fais rêver. Tu me fais rêver. Mon visage perdu dans la foule, tu éclaires mais je reste flou. Tout le monde te voit, a envie de toi. Ton regard flotte au-dessus de nous. Tu me fais rêver de Paris. C'est un piège. Tu me fais rêver de Paris. C'est un piège, c'est un sortilège. Perdu. Je suis indiscrète complètement. Envoûtée. Chaud, chaud, chaud, hein. Chaud, chaud. Tourbillon, je chansons dans ma tête à ton sujet. Chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, hein. Maléfique ou magique, force irrésistible. Je me perds parmi tout ce que tu hypnotises. Que tu hypnotises. Tu me fais rêver de ta vie. C'est un piège, c'est un sortilège. Tu me fais profond dans l'univers où tu plonges tes zombies. des zombies. Je coule profond dans l'univers où tu plonges des zombies. Des zombies. Je coule profond dans l'univers. Profond dans l'univers où tu plonges tes zombies. Plonge. Tu me fais rêver. Tu me fais rêver. De Paris. Tu me fais rêver. Tu me fais rêver. De l'auteur, compositrice, interprète Maryse, qui à l'époque, bon, était membre de la formation Seaborn, très belle voix et une belle auteur, compositeur, interprète avec un bel univers. Là. C'est vraiment très entraînant. J'adore sa musique et je suis bien content de voir ça. Elle a fait un clip officiel de cette chanson-là, je vous rappelle, qui est disponible sur ma page Facebook. Donc, allez voir ça. Allez voir ce clip-là, vraiment magnifique. Et j'espère, je pense qu'elle est en train d'écrire de nouvelles chansons francophones et on espère recevoir ça très, très, très bientôt. Donc, Maryse, Muse, très bonne pièce. On va poursuivre avec d'autres belles nouveautés. Je pense cette semaine, je suis tombé dans... Il y a dû avoir une pleine lune qui a duré plus longtemps que d'habitude parce que j'ai eu de belles nouveautés cette semaine. Premièrement, Véronique Trudel, qui reste dans la région de Nelson, en Colombie-Britannique. C'est dans le sud de la province. Et j'ai découvert ça comme ça sur l'Internet. Et très intéressant comme univers. Très belle voix aussi. Et elle nous propose une première pièce, Prière, dont le vidéoclip officiel en noir et blanc, de toute beauté. Allez voir ça. C'est sur ma page Facebook de Canrock également. Donc, allez voir ce beau clip-là. Très intéressant. Merci. Donc, Véronique Trudel, à suivre. C'est tiré de l'album « Après l'hiver », un petit EP fort intéressant. Donc, ça s'en vient. Par la suite, je vais vous faire entendre finalement l'extrait de Mme Ariane Jean qui elle a participé à un petit clip, une petite émission de Le Réveil de M. William Burton. On parle un peu de son univers de musique. Elle fait partie de Chic Gamine. Avant ça, c'était Madrigaya. Elle nous arrive avec un projet solo. Et comme l'oiseau, fort intéressant comme pièce, le EP devrait sortir à l'automne. Fais de moi une rivière. Fais de moi le cercle polaire. Fais de moi une chanson. Fais de moi un papillon. Fais du miel avec mes paroles et de la pierre avec ma franchise. Fais de l'air dans mes poumons et de la paix dans mon ventre. De la soie avec mes bras, de l'acier avec mon courage. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Fais de moi un livre ouvert. Fais de moi une fleur en hiver. Fais de l'air dans mes poumons et de la paix dans mon ventre et de la soie avec mes bras, de l'acier avec mon courage. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. de son vaisseau et je quitterai le port. Changerai de peau, me rapprocherai de l'oiseau. J'ai des pensées qui ballent depuis les flottes, le poids du jour qui me garde ancré au sol. Comme l'oiseau de Salah, alias Ariane Jean. Salah, qui est une artiste de la boîte Amexi, nouvelle boîte de production. Je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock. Il y a le live de Le Réveil de William Burton, qui a rencontré justement Nathalie Bernardin, qui est responsable de la boîte Amexi. Amexi, qui est une nouvelle boîte de production, qui nous propose des artistes fort intéressants. Et Salah, c'en est une. Donc, Salah, si vous reconnaissez la voix, oui, elle a fait partie de Madrigayable il y a plusieurs années, ainsi que de Chic Gamine. Là, elle est en solo. Salah, un nom à retenir. Nouveau EP, premier EP francophone qui s'en vient cet automne, à ce qu'on nous aurait dit. Et il y aura peut-être un autre extrait d'ici le mois d'août. Donc, à suivre, bien sûr, une artiste fort intéressante. Donc, belle acquisition cette semaine que j'ai reçue comme ça. Ça me fait plaisir de faire tourner ça. Ça me fait plaisir aussi de faire tourner. Là, on change de style. Là on n'est plus dans la musique pop un peu. On s'en va dans le rock. Rock pop, peut-être, si vous voulez, mais rock. Et ça me fait plaisir parce que c'est un gars de Yellowknife, où on est diffusé grâce à la station CIVR. Et c'est Yves Lécuyer qui nous propose un premier EP fort intéressant. Et la pièce qu'on nous propose pour l'instant, c'est Scaphandrier. Donc, Scaphandrier, que j'ai découvert grâce au site de la PCM. Et vraiment intéressant. C'est particulier comme style, mais quand même assez intéressant. J'aime bien. Donc, les autres pièces sont à peu près dans le même style. Et je trouve ça vraiment fort intéressant. Yves Lécuyer, on va faire tourner ça avec grand plaisir à Canrock. Et puis, on y va tout de suite. Voici le Scaphandrier, Yves Lécuyer. J'expire, je m'inspire lentement de toi, de moi, des remous, des mots, des remonts. nouvel écuyer et scaphandrier de Yellowknife. Je suis bien content. Il y a des artistes un peu plus loin, un peu partout. Au Canada, il y en a de la musique francophone de qualité et très intéressante un peu partout. Ça, il faut se le dire, il faut les encourager. Merci bien, c'est là-dessus que se termine cette émission de cette semaine avec beaucoup de belles nouveautés. Je tiens à remercier Amélie Barbeau du réseau RFR de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Il y en a plusieurs. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Il y a également CJRO 107.7, 107.9, Casbah Verse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Elle a aussi en Ontario la radio web production JB au www.prodjb.com. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, eh bien, vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits et sûrement, si c'est bien produit, le faire tourner à Canrock. Le thème qui vient de commencer, j'ai à peine, là, je vous dirais même pas 20 secondes peut-être de vous dire une seule chose. Allez encourager, si possible, sur l'Internet pour l'instant, allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre émission de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!